C'est très féminin, oui, mon inspiration. C'est très, très féminin. C'est... Je ne dis pas ces mots que tu veux attendre. Je mets ça dans ma bouche, sur ta bouche. Dehors, c'est de l'eau de pluie qui m'attend. Si sombre et si dur, il y a des moments aussi mieux de ne pas toucher. Il y a des moments aussi mieux de ne pas toucher le ciel. Il y a des moments aussi mieux de ne pas toucher. Il y a des moments aussi mieux de ne pas toucher le silence, mon silence. Demain quand je pars, je te laisse dormir. Je vois seulement un peu de ton odeur que je trouve dans tes cheveux, que je trouve dans ton lit. Je passe sans rien dire. Dehors il y a cette lourde pluie qui a vu ton corps si pâle. De laver cette ville, mais cette ville est beaucoup trop sale. Il y a des moments où, Seigneur, de ne pas toucher. Il y a des moments où, Seigneur, de ne pas toucher le silence. Il y a des moments où, Seigneur, de ne pas toucher. Il y a des moments où, Seigneur, de ne pas toucher le silence, mon silence. Je dois dire que je travaille beaucoup avec des femmes pour chanter parce que j'aime bien leur vision de ce monde. Parce que ça me trouble comme ils voient le monde. Comme moi je le vois, ça me trouble aussi, mais je, c'est plus agréable. C'est comme une vertige agréable, je trouve, ce qu'ils font les femmes quand elles regardent le monde. Ce soir, j'aurais tes cheveux bleus pour moi. Bleus pour moi. La pièce était bien chaude. Il y a les femmes, je suis content qu'ils me troublent. Troublent, c'est le bon mot. Quand je trouble, pas trop, mais un petit peu. Qu'ils me font confus. Et c'est très important dans mon travail. Ah non, j'adore mais ça. Je suis. J'aimerais pas que les femmes et les hommes deviennent pareils. C'est comme. Un enfant est beaucoup différent qu'un adulte. Sur mes genoux. La pièce. C'était bien chelé. Pourquoi vous regardez une femme qui marche dans les rues? Vous regardez bien, elle n'a pas une mini jupe, elle n'est pas une rouge bouche, mais vous regardez quand même. Il y a des signaux qui sont pas si flash, si pub. Et quand même, vous regardez, peut-être vous parlez avec elle. On ne comprend pas pourquoi. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher, le silence est tout dedans. C'était Cherche Stéphane Escher, désespérément. Peut-être le trouverons-nous demain avec Agnès Varnier, Patricia Prigent, David Gis. Nous vous aiderons à le chercher, David Gis. Il est 1h. Cherche, Stéphane, Escher, désespérément. Et je ne suis pas sur le point de l'avoir trouvé. Il répète. Il est avec ses boîtes à rythme, ses synthés, ses musiciens. Tantôt trop fort, tantôt trop faible. Mais jamais devant mon micro. Plus de quoi? Ah oui, ben voilà, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qui manquait. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You tried hard not to show it, baby. But baby, I know it. You've lost that loving feeling. Oh, that moi j'ai commencé avec le mouvement punk. Et le mouvement punk, la grande chose c'était, vous voyez, nous on joue mal sur scène, vous pouvez aussi jouer mal sur scène, monter sur scène. Et moi j'ai commencé comme ça. And you started to criticize little things I do. You tried hard not to show it, baby. But baby, baby, I know it. You've lost that love and feeling. Whoa, whoa, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. And I can't go on. Écouter la côté français, on a beaucoup eu la chance d'écouter des black stations parce que l'armée en Allemagne a eu des radios et j'ai beaucoup écouté ces radios noires dans la nuit, rock and roll, blues et tout ça. J'ai adoré les choses que Leonard Cohen a fait dans le temps, j'adore encore aujourd'hui. Et puis on se dit, on doit trouver le propre langage. Et j'essaie ça de trouver ma langage. Ans, je suis monté sur scène seulement avec des machines. Si tu veux revenir, je laisse la porte ouverte et je reste assis en attendant que toi. Et quand tu seras là, vas-tu m'amener pour repartir sachant que je suis encore à toi. Et je donne ma langue au chat. Oui, je donne ma langue. Ou je donne ma langue au chat. Interactif, ça veut dire pas des bandes, mais une machine qui trigger des synthés, des batteries. Je me jure, je ne tomberai pas, je ne veux plus tomber dans le foie, mais ta bouche sucrée, sucrée de moi. Je ris trop fort et je parle grand, je te dis les mots, mais tu me dis moi pas. Moi pas. Le cœur dans mes mains, sans peau sur glace cassée, et je me dis jamais, je me dis plus jamais. Et j'ai dans ma main l'embauché jusqu'à la prochaine fois. Et je donne ma langue au chat. Oui, je donne ma langue. Ou je donne ma langue au chat. Maintenant, j'ai invité des amis, des musiciens, violon et hautbois, sur scène pour prendre un peu du travail, pour faire le truc un peu plus humain. Mais je trouve ça intéressant, les machines et les êtres humains, comme ils parlent. C'est un langage assez stupide, mais parce qu'il est stupide, pas négatif stupide, mais naïf. Le public peut le facilement comprendre, je trouve. C'était Cherche Stéphane Escher, désespérément. Sera-t-il là demain? Je donne ma langue au chat. Patricia Prigent, Agnès Varnier, David Gis. Il est 1 heure. Cherche toujours Stéphane Escher. Cherche Stéphane Escher, désespérément. Pas encore tout à fait désespéré, mais presque. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu fort. Et le plus fort, c'est que je sois toujours assis là à attendre un interview hypothétique. Mais j'y arriverai. Je pense que j'y arriverai. J'ai toujours gardé un peu cette idéologie que ce que je peux faire, tout le monde peut le faire. Et oui, et moi j'aime bien ça. Que chaque kid qui a vu le concert peut aller à la maison et commencer. Why you cry? My heart's been delirious. But leave it like it was. Like it was. Off the eyes, this loud music. It's my longing for this live music. Your embrace gives me time for getting my being. Moi j'adore les gadgets, les petits jouets, j'adore ça. Ça veut dire les nouveaux synthés, les nouveaux sons, les nouvelles possibilités. Je joue avec ça et je trouve que c'est pas stupide de, par exemple, accrocher des kids qui écoutent ma musique parce que c'est un côté moderne, oui. Les samplers et tout ça, les synthés. Mais après, lentement, je peux lui expliquer. Peut-être il y a aussi une vieille guitare et peut-être il y a une vraie batterie, peut-être il y a une vraie basse. J'aime pas les groupes qui cachent leur synthé, c'est-à-dire cacher derrière la scène. On doit voir, il n'y a pas beaucoup de choses à voir, mais on doit comprendre comment ça se fait. Je me sens pas bien quand je triche. J'ai déjà essayé de tricher, Ouais, comme j'étais enfant, quoi. J'ai essayé de tricher, mais ça fait pas, c'est pas grave, surtout. Sans me retourner, je vais je me perdrai bien tant de vue. Si je partais sans me retourner, je me perdrai bien tant de vue. C'est mon premier disque qui n'est jamais sorti en France, malheureusement. J'ai écrit sur la pochette comment moi j'ai fait le disque, tout le monde peut le faire. Vous comprenez? Vous prenez cette synthé, vous mettez cette équalisation, vous mettez ça dans une guitare ampli, vous prenez ce micro et ça sonne comme ça. Vous prenez cette vitesse. Oui, oui. C'était Cherche Stéphane Escher désespérément avec Agnès Varnier, Patricia Prigent, David Gis. En effet, nous sommes toujours sur la terrasse de l'Eden à Montreux dans ce 21e festival de jazz de Montreux qui s'achève dimanche avec ce matin un invité que nous avons tenu à retrouver, à associer ce festival et que nous allons saluer dans quelques secondes, c'est Stéphane Escher. Stéphane Escher donc dans quelques instants avec nous, avec vous sur cette chaîne, sur la première toujours en direct de Montreux Jazz, donc pour le plaisir de vous raconter à la fois l'été de la musique et les musiciens de l'été. Alors hier soir, tandis que se profile à l'horizon de ce jeudi soir l'ombre d'un immense musicien, Dexter Gordon, hier soir la guitare, le jazz, avec quelques invités tout à fait prestigieux, une nouvelle fois, il y avait ainsi sur scène José Barrenseguias, très applaudi hier soir, Herb Ellis, Barney Kessel, Stanley Jordan, merci Jimi Hendrix, et puis les rois, Paco de Lucia et John McLaughlin, comme tous les jours de la semaine au petit déjeuner, extrait de cette soirée en VO d'ici à 10h. Bientôt 9h09 sur la première, le bonjour, la bienvenue à Stéphane Escher, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, ça va. Ça va c'est bien c'est une petite surprise que ça va, mais ça va, le matin ça va aussi. Ouais. C'est la première fois que vous allez prendre part, vous prenez part à une émission de radio, de télévision c'est si tôt le matin. C'est une première, ça tombe bien. Sur la première, donc nous allons partager le petit déjeuner ensemble ce matin d'ici à 10h sur cette terrasse de l'hôtel Eden, qui, on le sait peut-être, donne sur le lac Léman, qui est tout proche. Et là, Stéphane Escher, c'est un décor que vous connaissez bien, parce que l'année passée, vous êtes passé par le festival de jazz de Montreux, les 20 ans du festival, avec une soirée que vous n'avez sans doute pas oubliée, dont nous reparlerons un peu ce matin, comme nous parlerons des tournées, comme nous parlerons des projets, comme nous parlerons du nouveau 30 cm qui va sortir dans le courant du mois d'août, ici en Suisse. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous racontiez un peu la nuit que vous avez passée l'année dernière, ici même, dans cet hôtel, je crois au troisième ou au quatrième étage, sitôt après le spectacle que vous avez donné. Vous avez passé, je crois, une partie de cette nuit à bavarder, à refaire le monde, de la musique peut-être aussi, avec votre ami, manager, impresario, qui est Martin S. Vous vous souvenez de cette nuit, de cette aube? Mais écoutez, les nuits, c'est toujours très, très personnel. Oui. On ouvre les portes pour le matin. Non, c'était une nuit pas très longue. Naturellement, après un concert, toute la pression, ça s'en va et nous sommes prêts pour boire un coup avec des amis, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que le jour d'après, on a eu un concert à Düsseldorf, ça veut dire un grand chemin jusque-là. Je ne me souviens plus tellement, c'était... On se levait très tôt, on a conduit tous les jours pour faire ce concert. C'était un truc qui m'a beaucoup plu pendant ce concert, c'est parce que c'était dans une tournée. Ça veut dire, j'ai fait ce concert ici comme un concert dans un club avec 400 personnes. Et pour moi, c'était, ouais, c'était pas le jour après un autre concert, le jour avant un concert. C'était comme ça. Comment c'est le moment où là on quitte la scène, où le concert est terminé, ouais. Lorsqu'on boit un pot avec des amis, ouais. Lorsqu'on revient tout seul dans son hôtel, comment est-ce que vous vivez ces moments-là? J'ai toujours essayé d'écrire une chanson sur ça, parce que c'est vraiment trois quarts de ma vie presque, les chambres d'hôtel. C'est, comme j'ai dit, c'est un truc très intime. C'est solitude, ça, c'est un mot, oui, qui existe là. Mais ce n'est pas une solitude triste, c'est une solitude très agréable. Au commencement de cette émission, quelqu'un a parlé d'une paresseuse, quelque chose comme ça, que nous sommes prêts après de retravailler. Et c'est ça, c'est ça. Quand on a un bon hôtel comme le Eden, on peut encore voir des films, des choses comme ça. Mmh. La plupart des... On lit, on écoute la musique, on rêve un peu avant qu'on dort. Oui. Vous êtes un peu paresseux, enfin, je veux dire, vous cultivez cette forme d'art, parce que c'est un art aussi, la paresse. Je pense oui, mais dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de place. Mais je prends partout les places où je suis assis, où je marche sans une idée derrière. Ça, c'est très important, je trouve. Il y a quelqu'un qui a dit une fois que quand on ne travaille pas, quand on est paresseuse, c'est le moment où l'âme travaille. Ça, j'aime bien. Vous avez entendu ou lu cela un jour? Oui. Oui. Vous vous souvenez quand? Oui, ça fait ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines. C'est un écrivain qui s'appelle Friedel qui a dit ça. Alors hier soir, vous avez pris part modestement, tranquillement, je veux dire, au concert que j'évoquais. Oui. On découvrira un ou deux extraits de ce concert dans ce petit déjeuner ce matin. Vous avez notamment suivi le récital donné exceptionnel de Paco de Lucia, oui, et de John McLaughlin. Avec quelle envie, avec quel désir? Moi, je suis un grand fan du flamenco, je dois dire. Et Paco de Lucia, en plus, c'est un monsieur qui a donné beaucoup aujourd'hui. Je suis pas trop dans le truc jazz qui s'appelle plus vite, plus compliqué et tout ça, mais quand il frappe la guitare comme je l'aime, ça me touche toujours. Oui. Alors eux étaient sur scène hier soir, vous étiez dans la salle. Oui, oui. Oui. Et c'est un truc étrange, parce que je dois dire, sur scène il y a plus de place, plus de l'air. Pour le public ça peut être un peu ennuyeux, dans le public il y a trop de monde, mais quand tu le regardes, ils sont beaucoup content. Aussi hier, ils étaient très contents. Oui, vous êtes mieux sur scène? Oui, je pense à dire ça. Ouais, oui. Vous avez le sentiment que c'est un peu votre affaire, votre royaume, votre univers? Oui, c'est l'endroit où je participe pendant un concert. La plupart du temps, le public, c'est toujours... C'est l'autre côté. Est-ce que pour faire le métier qui est le vôtre, Stéphane Escher, est-ce qu'il faut aimer les gens? Oui. Ah oui. Ça, c'est mon raison pourquoi je le fais, parce que j'aime les gens, j'aimerais bien aimer les gens. Ouais. Oui. Mais ce que vous voulez aussi, c'est que les gens vous aiment. Oui, quand ça tombe, oui. Oui, quand ça arrive, c'est bien. Bon, on vous offre le petit déjeuner, qu'est-ce que vous prenez ce matin? Moi, c'est vraiment une première, là aussi, le petit déjeuner, je ne mange jamais. Mais j'ai choisi un lot avec des petites bulles qui me piquent dans la bouche, comme oui, ça. Ils font pchit. Oui. Et puis on va écouter tout de suite un extrait du 45 tours qui est sorti là, tout récemment, il y a quelques semaines, en rappelant donc qu'il y a un grand 30 cm qui arrive à la mi-août prochain. Et puis plein de très bonnes nouvelles, puisque à la rentrée, notamment dans le courant du mois d'octobre, vous allez passer à Paris. Nous en reparlerons tout à l'heure. Là, c'est donc combien de temps, Stéphane Escher? Thank you. pas le plaisir facile. Les amours de soi meurent d'un oubli subtil dans le nain de foulard. Combien de temps, si on restait face à face sans un nom, sans une dame qui efface. Combien de temps, et je vois, et je suis sous le toit, sous le toit. L'ombre de mes cris, flèche invisible, l'ombre de mes cris comme une scie. Les mots inutiles, sourire illusoire, avant question futile, je réponds au hasard. Combien de temps, si on restait face à face sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps, et je vois, et je suis sous de toi. Combien de temps, si on restait face à face sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps, de la peine à vivre loin de toi. J'ai de la folie plein les veines. Je vois, je suis sous le toit. Sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps, et je vois, et je suis sous de toi. Combien de temps, si on restait face à face sans un mot, sans une dame qui efface. Combien de temps, et je vois, et je suis sous de toi, sous de toi. En exclusivité sur la première ce matin, petit déjeuner, Stéphane Escher en direct de Montreux Jazz. Là, c'est un extrait, donc c'est 45 tours, et qui est une chanson qu'on va retrouver, Stéphane Escher, dans ce nouveau 30 cm qui paraît, je crois, le 10 août prochain. Nous revenons sur l'aventure de ce disque, sur sa naissance, sur son accouchement aussi, parce que ça prend quelques temps. Cette chanson, combien de temps? Je crois que ce sont des paroles que vous ne signez pas. C'est une des rares chansons que vous ne signez pas au niveau des paroles. Oui, j'ai toujours eu cette envie de travailler avec les gens. Ça n'a pas toujours marché, mais j'ai trouvé que je travaille très bien avec des femmes. Et déjà sur la Terre des Night, Chanson Bleue, il y a une fille qui s'appelle Claudia Schifferle, avec elle que j'ai écrit des paroles, des choses comme ça. Et sur ce disque, il y a une deuxième femme qui est entrée dans ma vie musicale. Elle s'appelle Corinne Dacla, c'est une actrice française. Elle écrit des paroles très très... Comme moi, je ne peux pas les écrire parce que je ne parle pas français. C'est seulement ma bouche qui parle français, ce n'est pas mon cœur. Et je écris totalement différent, beaucoup plus simple. Et elle, ça sonne vraiment comme une chanson, je trouve. Quelle langue parle le cœur de Stéphane Escher? Ça, c'est un truc que je suis très content aujourd'hui, que j'étais très triste avant. Je ne parle pas du tout un langage. Ça veut dire, déjà avec mon père et ma mère, je parle un dialecte totalement différent. J'ai deux frères, avec mon petit frère, je parle le dialecte bernois, avec mon grand frère, je parle le dialecte presque grisonnois. Et à l'école, oui, on lit des bouquins en suisse allemand, en allemand, mais après j'étais dans une école avec les Américains, ça veut dire très vite j'ai parlé américain et anglais. Et je suis content parce que j'ai vraiment pas un langage, je peux tout utiliser, pour moi c'est pas une question, c'est mon... mon langage natal, non. Je peux tout utiliser, je suis très content aujourd'hui. Alors comme beaucoup le savent aujourd'hui, Stéphane Escher, vous êtes né à Berne, voici 26 ans. Oui, c'est ça, dans la presse française, on appelle ça la banlieue de Berne, c'est pas tout à fait ça. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et vous résidez donc à Zurich maintenant? Oui, résidez, oui. Vous êtes resté attaché à ce pays, enfin à la Suisse alémanique, vous n'avez pas été tenté par exemple de vous installer à Paris, non, vous aimez la province, ce qu'on appelle la province. Ah, oui, ce sont deux questions, vraiment, c'est pas une importance où j'habite, c'est... À Zurich, quand je suis allé à Zurich, j'habite 10 minutes de l'aéroport. C'est-à-dire, quand il y a une voiture, en 1h30, tu es en France, tu es en Italie. Ça, j'adore ça, en Allemagne. C'est un peu le centre de l'Europe que j'aime. Et la province, oui, je suis un grand fan des provinces, je trouve. Par exemple, quand il y a des kids qui me donnent des cassettes, des mots cassettes, ce qui se passe dans les provinces, c'est toujours un peu plus intéressant que ce qui se passe dans les métropoles. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est plus ennuyeux là-bas. Et chez moi, on sent aussi que je ne viens pas de Paris, je viens de... Oui, je suis né à Bruxelles. Et c'est bien comme ça, oui. Les choses petites, c'est pas mal, je trouve. Vous nous racontez un peu le lieu dans lequel vous prenez le petit déjeuner, peut-être pas à 9h du matin, mais sous le coup de 11h à la maison, oui, chez vous, à quoi ressemble ce lieu? C'est la cuisine, C'est, je dis aussi une raison pourquoi j'habite à Zurich, c'est mon fils qui a 3 ans maintenant, qui a besoin d'un endroit, il ne peut pas venir toujours se tourner, les histoires des hôtels qu'on a déjà parlé, ça, avec un enfant, il a besoin d'un endroit, et Zurich, ok, on est à Zurich, et là, il essaye toujours à 6h, 7h de me piquer du lit, et de jouer avec moi et de manger, et il y a des moments où il arrive, ça veut dire. Et puis je mange avec lui, dans la cuisine, parce qu'il veut manger dans la cuisine, avec tout. Et puis je repars au lit. Quand il n'arrive pas, je me lève à 11h quand je ne travaille pas la nuit, parce que oui, il y a beaucoup de nuits où je travaille jusqu'à 5h, 6h du matin. Là, ça peut... Je suis triste pour les auditeurs, ça peut arriver à 2h que je me lève. Ça veut dire un café, espresso, debout, oui, avec le brosse en dents dans une main, avec les boots dans l'autre, oui. Stéphane Escher, votre fils dessine, il fait des dessins? Oui, très très violent, des dessins, oui, il est très expressif, oui. Vous avez d'ailleurs pratiqué le dessin, la peinture à une époque? Oui, j'étais dans une école, pas spécialement dessin, peinture, c'était plus des vidéos, des performances, des choses comme ça, mais... Quand j'attends à quelque chose, je dessine beaucoup. Mais sur la table, des choses comme ça. Et quand votre fils vous demande ce que vous faites, comme on dit dans la vie, qu'est-ce que vous lui dites? Comment est-ce que vous lui parlez de votre métier et de votre passion? Je fais des concerts. C'est lui qui le dit. Je fais de la musique, oui. Oui. Je pense. Et je s'y perds un peu, non? Oui, mais justement, précisément. Ouais. C'est aussi un métier, ça. Oui. Je fais des concerts, c'est lui qui l'a dit. Je fais de la musique, ouais. Ouais. Je pense. Et je s'y perds un peu, non? Ouais, mais justement, précisément, ouais. C'est aussi un métier, ça. Oui, dur. Mais joyeux. Ouais. Mais vous lui expliquez? Vous lui montrez? Oui, il vient de temps en temps dans un concert. Et il me voit aussi dans le télé. Ça, j'aime pas tellement parce que je trouve le PS, ça doit être quelque chose de vrai, pas un truc plat dans la télé, mais de temps en temps, ça arrive. Et puis, oui, il veut aussi une guitare, naturellement, parce que le père a une guitare, il veut aussi un micro, il veut aussi un ordinateur, ça c'est le nouveau truc. Maintenant, il veut un ordinateur. Je pense que c'est comme quand votre père est, je ne sais pas, un banquier, le fils, il fait aussi des montagnes avec d'argent tous les jours, quelque chose comme ça. C'est toujours comme un... Oui, c'est le premier idole, quelque chose comme ça. Mais ça va passer, il va arriver d'être docteur, ce que je veux, non? Ou avocat, ou quelque chose comme ça. On va faire comme les mômes, on l'avait retourné au casino de Montreux, c'était donc hier soir, c'était en fin de soirée, c'est-à-dire en début de matin, c'était sous le coup d'une heure du matin. Donc sur scène, il n'y avait Paco de Lucia et John McLaughlin, on va les retrouver ensemble sur scène. Ils interprètent un compositeur de Chick Corea. Un bref extrait de ce concert, donc Paco de Lucia, John McLaughlin. Il y aura d'autres extraits beaucoup plus longs tout à l'heure. Un bonjour pareil avec Christian Jacques Descombes et Pierre Grandjean entre 13h15 et 15h sur la première, où nous petit déjeunons, je vous le rappelle, ce matin avec Stéphane Escher. Alors, nous parlerons du disque tout à l'heure, de ce 30 cm qui est une aventure en soi. Vous avez fait l'amitié d'ailleurs de prendre un extrait qui n'a encore jamais été diffusé en radio, qu'on retrouvera, qu'on écoutera tout à l'heure en avant-première. Avant cela, après Montreux l'année passée, bon, il y a eu la fameuse opération conduite par nos camarades de la première d'Amor Franck Musy au Mont-Blanc, qui était... Vous avez perdu le souffle là-haut. Le matin, oui, c'était... il n'y a pas beaucoup de l'air en haut là. Oui, vous fûtes donc... C'est un peu comme dans le public dans un concert, c'est comme ça. Vous fûtes donc à cette époque-là le chanteur le plus haut du monde. Après, il y a eu donc Montreux pour notamment les 20 ans du festival. Et sitôt après, vous avez fait beaucoup de tournées, on ne va pas toutes les énumérer. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu la France, et il y a eu le Japon. Et je crois que le Japon, il s'est passé quelque chose là-bas. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Premièrement, c'était comme un rêve. Dans deux façons, un rêve d'aller si loin de chez moi. C'est-à-dire, c'est vraiment en dessous de nous ici. Oui. Et le deuxième rêve, quand je suis arrivé, les choses qui tout est différent là, vraiment totalement différent. Il y a beaucoup des anecdotes, c'est trop tôt de commencer ou trop tard. Mais c'était une. Premièrement, une chose qui m'a beaucoup plu, c'est ici, je peux toujours essayer d'expliquer ce que je fais avec une voix, non? Là, je fais seulement tenir la musique parce qu'il ne comprend rien du tout. Et comme ça, c'était seulement moi et ma musique. Devant, je ne me souviens plus, 6000, 8000, 10000 japonais assis pendant le concert. C'était interdit de se lever parce que c'était dans une maison de concert jazz. Ça veut dire que c'est très strict. Classique, c'est seulement assis. Jazz, c'est assis. Le rock, ça, c'est debout. Et le premier morceau, c'était calme comme tout. Et après, qu'est-ce que c'est les applaudissements. Oui, très très fort, une surprise parce qu'ils étaient si calmes. Deuxième morceau, il commençait avec le pied, de tac, tac, tac. Troisième avec une main sur la cuisse. Quatrième avec deux mains. Et c'était, oui, le concert c'était très étrange, mais j'ai beaucoup aimé. Et tous les gens, et la vie là-bas, comme ça se passe. C'était vraiment un rêve. Je suis marché comme sur un nuage toujours. Oui. Vous avez envie de retourner au Japon? Ah oui, Simon. Oui. On va faire une tournée un peu. Là, j'ai fait deux concerts. Et c'était avec Montreux. Ils ont fait un concert Sapporo, Montreux, Claude Nobs qui m'a mis sur la liste là. Et j'ai joué avec Aldi Meleoa, des gens comme ça, la même soirée. C'était très marrant. Je vais revenir, mais cette fois dans les clubs. Ça veut dire 400, 500 personnes. Et on va faire toute une tournée parce qu'on a trouvé des amis là-bas. Oui, on va le refaire. Je le veux. Est-ce qu'il faut rappeler Stéphane Escher, c'est que lorsque vous arrivez sur scène, vous arrivez seul, oui, avec vos instruments de musique, votre ordinateur. C'était aussi une surprise pour les Japonais. Par exemple, ici, avec mes ordinateurs, tout le monde vient. Mais qu'est-ce qu'il a sur scène là? Mais ça, c'est si moderne et tout. Comment il peut manipuler ça? Et là-bas, c'était le contraire. Hein. J'ai eu les choses les plus vieux et tout le monde a eu ça au minimum. Chaque guitariste à côté, là, parce que ça vient de là et ça coûte rien du tout. Là. Et tout le monde travaille avec ça. Mais là où les Japonais ouvrent leur bouche, c'est quand j'étais seul sur scène. Parce qu'en Japon, on va vraiment jamais quelqu'un seul. Aussi, télévision, chez nous, il y a toujours une personne qui dit maintenant, on a le petit déjeuner ou la radio, c'est une personne qui parle, mais au Japon c'est toujours 2, 3, 4, 5, 6. Et là j'étais seul sur scène et pour eux c'était nouveau, oui. C'était tous les interviews que j'ai essayé à donner, mais les barrières de langage, aussi qu'on a parlé anglais, c'était toujours une barrière qui m'a beaucoup plu parce que là, je me demande ce qu'il a écrit après parce que je ne peux pas le lire, mais ça doit être très très marrant. Et là, une personne seule, c'était nouveau pour eux. Ouais. Vous auriez envie, un jour, prochainement, demain, après-demain, Stéphane Escher, de vous produire avec un groupe sur scène? C'est un projet? Déjà sur le disque, ça veut dire... Après les Chansons Bleues, c'est le premier disque, c'est qui, moi, le producteur, ça veut dire qui a été dans les studios. J'ai produit mon disque moi-même. Et comme ça, j'ai choisi d'utiliser des musiciens. C'est la plupart c'est de moi, mais il y a un bassiste, Fretless Bass, c'est un truc qui fait boum, c'est impossible à programmer. Et il y a un batteur qui joue spécialement les Charleston et les cymbals, les cuivres dans la batterie. Il y a une chanteuse superbe qui s'appelle Madeleine Bell, c'est une chanteuse soul, noire, qui a beaucoup de place sur le disque. Et comme ça, je pense que j'essaye. Je dois dire, essayer de répéter avec un groupe, mais un petit groupe, un groupe de rock avec deux guitares, batterie derrière moi, mais des musiciens sur scène. Je rêve d'un trio, mais je dois répéter parce que ça fait 7 ans que j'ai plus joué du tout avec des êtres humains et peut-être j'arrive plus. Peut-être je suis dans un autre monde qui. Oui, on va voir. Hein. Mais j'ai envie. Oui, envie, oui. Nous avons écouté, quant à nous, en avant-première, ce 30 cm qui paraît le disque tout. C'est un disque formidable, qui a une sonorité au plan de la musique d'abord, et aussi au niveau de la voix, une sorte de tessiture nouvelle. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans ce 30 cm. On détaillera un petit peu tout à l'heure. Là, en avant-première, nous écoutons un extrait donc de ce nouveau 30 cm. C'est une chanson que vous interprétez en français parce que dans ce disque-là aussi, comme vous l'avez toujours fait, vous êtes tenu à chanter à la fois en anglais, en français et en allemand. Stéphane Escher, donc un extrait de ce nouveau 30 cm apparaît à 10 et tout. Il a un titre, ce disque? Il a le même titre comme le morceau, il s'appelle Le Silence. Le Silence. Alors là, c'est le silence sur l'antenne, absolument. C'était la version longue. La version longue. Alors, c'était le disco mix, le silence. Voilà, ouais. Mais on va le repérer, le plagier tout à l'heure. Là, je vous propose peut-être que nous écoutions... C'est une cassette. Oui, c'est une cassette. Ouais. Donc, il faut expliquer, c'est un petit peu compliqué. Ça souffle, etc. Est-ce qu'il faut... On mais parlait... c'était bien, moi j'aime ouais. ça. Ça, c'est vraiment le silence. Alors, quand on est merci prêt, beaucoup. Vous me continue. Mais nous parlions tout à l'heure des hôtels, enfin, parce que vous passez une partie de votre vie, c'est vrai, dans les hôtels. Et ce 30 cm, il doit beaucoup aux hôtels. Ouais. Et j'aimerais que vous parliez de deux hôtels en particulier. Il y a un hôtel à Cabourg. Vous savez beaucoup des choses, moi. Qu'est-ce que vous avez fait quand j'ai dormi? Oui, Cabourg. Cabourg, c'est en France, donc. C'est au mois de novembre. Oui, c'est près du canal. Oui. C'est pas seulement près du canal, ça fait 10 mètres et on tombe dans le canal. Et parce que je passe beaucoup de temps dans les hôtels, j'ai eu l'idée de commencer mon disque dans les chambres d'hôtel. Ça veut dire dans la nuit, quand le portier de nuit s'endormit. J'ai monté mes guitares, mes choses, un par un dans ma chambre, et j'ai mis ma structure comme sur scène, parce que c'est pas trop grand, et ça fait pas de bruit. Et j'ai commencé à écrire des chansons là-bas, et aussi de programmer, ça veut dire 20% qu'on écoute sur le disque, c'était déjà fait dans les chambres d'hôtel. Voilà, le silence qui voilà. fait des bruits. Voilà le silence. C'est bien, comme ça je ne dois plus parler. Ces mots que tu veux attendre, je mets ça dans ma bouche, sous ta bouche. Dehors, cette lourde pluie qui m'attend, si sombre et si dur, il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher, il y a des moments où c'est mieux. De ne pas toucher le silence. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher. Il y a des moments où c'est mieux de ne pas toucher le silence. Mon silence. Demain quand je pars, je te laisse dormir. Je vois seulement un peu de ton odeur que je trouve dans tes cheveux, que je trouve dans ton lit. Je passe sans rien dire. Dehors il y a cette lourde pluie qui a vu ton corps si pâle. understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Bientôt 10h moins le quart, vous êtes bien sur la première ce matin au petit déjeuner avec Stéphane Escher. À l'instant, à cause de la nuit, c'était Patti Smith. Et auparavant, c'était donc en avant-première, un extrait de ce nouveau 30 cm apparaître le 17 août prochain. Son titre de cet album, Stéphane, c'est donc Le Silence. Patti Smith, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, enfin qui a un petit peu, j'allais dire, bouleversé, enfin, changé votre vie aussi. Oui, c'est... C'est elle qui m'a fait jouer la guitare, je pense. Guitare électrique, oui. Parce que j'ai toujours préféré le son d'une guitare acoustique. Mais quand j'ai vu Patti Smith sur scène, là j'ai eu la force d'une guitare électrique. Pas le bruit qu'elle peut faire, mais beaucoup plus mince. Elle est... Oui, spécialement les Telecasters, là, j'ai fait presque tout pour avoir des Telecasters. Oui. Oui. Vous avez 26 ans aujourd'hui, à quel âge avez-vous vu Patti Smith? Ça devient 27, hein, 20... le 17 août. Là. 27, ah, c'est le jour de votre anniversaire? Oui, c'est un jour assez important pour moi. Ça veut dire qu'il y a eu Elvis Presley qui est mort le 17 août. Et c'est aussi mon anniversaire. Je rends aussi un petit hommage à Elvis quand je le sors là. Oui. Patti Smith, ça fait 10 ans aujourd'hui. Oui, 10 ans aujourd'hui, je pense. Vous êtes un peu superstitieux? Qu'est-ce que je veux dire? Un peu. C'est pas superstitieux, mais je crois beaucoup à des choses qui... destin à des choses comme ça. Et ça peut avoir l'air superstitieux. Pourquoi? Sortir un disque à mon anniversaire ou un jour quelqu'un de très important est mort ou quoi? Non, parce que souvent lorsque vous arrivez en scène, sur scène, en tout cas l'année passée par exemple, vous aviez l'un des bras un foulard. Oui. Je sais que souvent à l'époque vous vous disiez, ah non, je ne peux pas chanter sans mon... Oui, il y a Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a une masque qui vient de mon premier groupe, Les Soros. Un des mes premiers groupes, ça veut dire un concert, puis une grande bagarre dans le public, c'était fini. Mais c'est un truc, je peux raconter une petite histoire que, oui. Avec ça. Il y a eu le foulard, il y a eu cette masque, il y a des différentes choses qui étaient très importantes. Et le novembre dernier, à la fin de tous les concerts, de tournées, où je savais maintenant je vais enregistrer ou écrire mon nouveau disque, c'était à Saint-Étienne, en France, près de Lyon, le dernier concert. Et pendant le concert, ça commençait dans ma tête. Mais écoute, maintenant, tu n'as plus besoin des disquettes pour le concert. Tu dois tout réenranger pour la prochaine tournée. Et après le morceau, j'ai commencé à acheter les disquettes. Un truc très fou parce que c'est beaucoup de travail derrière. Travailler de 5 ans. Et pour les préparer, comme c'était à Saint-Étienne, ça veut dire un travail de 2 mois de travail. Et j'ai commencé à acheter. Et puis, j'ai pensé, écoute, cette foulard-là qui était vraiment importante, je ne monte pas sur scène sans. J'ai plus besoin, juste le prochain disque, tu trouves une nouvelle chose. J'ai commencé à acheter ça, la masque, j'ai tout tourné dans le public. Le dernier morceau que j'ai joué avec la guitare, j'ai cassé les cordes un par un et j'ai donné au public. Et j'ai eu la vision dans ma tête qu'à la fin, c'est moi sur scène, mais le reste, j'ai tout donné au public. Mais Martin, il est très vite venu. Il dit, mais arrête, tu peux pas. Tu sais, j'ai eu envie de donner aussi les synthés et tout ça. Mais il a dit, qu'est-ce qu'on fait sans les instruments? Et là, j'ai arrêté. Mais tous les disquettes, toutes les choses qui font vraiment la musique, les foulards, les choses, j'ai donné. C'était bien, c'était bien. Vous étiez, Stéphane Escher, ce soir-là, nu sur scène? Presque, j'ai aussi donné ma chemise, là. Mais... Oui. Alors vous avez conservé les instruments de musique tout de même, et vous avez pris ces instruments, vous les avez transportés de nuit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans un hôtel, dans Cacabourg, oui. Où vous avez travaillé, écrit et programmé ce nouveau disque. Oui. Avec ma musique, c'est possible de faire un disque dans les chambres d'hôtel, c'est-à-dire pour chanter, ou spécialement comme vous avez entendu, que je suis très content que ma voix, elle sonne beaucoup plus près, plus vivant sur le disque. Ça, on a besoin d'un bon studio qui est très calme, parce que c'est une technique que j'ai trouvée d'enregistrer. On est très, très, très près du micro. Mmh. Et des choses comme ça. Mais je crois, aujourd'hui, dans un ou deux ans, c'est possible de faire un disque n'importe où, et ça sonne comme un disque qui sort d'un très grand, très sophistiqué, studio sophistiqué. Je crois à ça, je travaille sur ça. J'espère que le prochain, ça va encore plus se passer dans des endroits qui sont importants pour la musique, qui ont une ambiance, qui ont une âme. Un studio, ça, il y a 2000 groupes qui étaient dedans, et il va y avoir 2000 groupes qui... Il y a un groupe du hard hier, demain il y a un groupe de disco. C'est pas une âme dedans. Une âme de travail, c'est aussi bien, mais je pense qu'on doit faire aujourd'hui des disques comme des lives. Mais pas avec un public, mais dans des endroits qui vit. Ouais. Alors ce nouveau disque qui sort le jour de votre anniversaire, pour vos 27 ans, donc ouais. Stéphane Escher, d'ici tout prochain, vous allez recevoir plein de fleurs, vous verrez, après l'émission, ça va ça être... Ça c'est l'idée, oui, j'aime les cadeaux. Oui. Le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. C'est le disque qui c'est sort, le disque. Oui, oui, oui, sort là. Oui. Dont vous signez donc à la fois la musique... Oui. Là, il y a aussi tout un jeu, enfin, pour faire une comparaison, je ne sais pas si vous la saisirez complètement, la comparaison pour la fin au niveau de l'écriture, il y a quelque chose de Raymond Queneau, le plaisir, vous jouez avec les notes de musique, la même manière que certains poètes ont joué avec les mots, comme Raymond Queneau par exemple, une sorte de ping-pong de l'un à l'autre, il y a les paroles aussi que vous avez donc signées, à l'exception de deux chansons. Oui. Vous aviez une idée, une sorte de fil rouge, le disque s'appelle Le Silence. Je veux dire au niveau de ce qui est exprimé dans ces chansons. Non, le fil rouge, c'est sûrement le plaisir de le faire. Ça me plaît vraiment de faire ma musique. C'est pas un mot que je dis parce que c'est un micro et c'est une radio qui l'écoute, mais ça me plaît vraiment et ça, c'est le fil rouge. Au commencement, parce que Le Silence, c'était le premier morceau que j'ai écrit. Je l'ai écrit dans ma tête parce que je ne peux pas écrire les notes et je n'ai pas eu un piano ou quelque chose, j'ai vraiment écrit dans ma tête. Et le jour d'après, c'était l'Olympia. J'étais très nerveux et pendant le soundcheck, la balance, j'ai commencé à chanter ce morceau J'ai dit à Martha, écoute, c'est le premier morceau du prochain disque. Et le morceau va s'appeler Le Silence. On m'a dit, ok, c'est le titre du disque. Mais je dois dire que le disque est beaucoup plus bruyant que seulement ce morceau. C'est, oui, c'est le plaisir qui est le captain de ce disque. Et si on vous pose la question, pourquoi chantez-vous? Vous répondez, c'est pour le plaisir. Ah non, ça, j'ai très vite compris dans ma vie que m'exprimer ou parler avec des gens, des choses comme ça, ça n'a jamais marché. Rien contre des interviews, des choses comme ça. Mais les choses que je veux vraiment dire, je suis jamais arrivé. Et le seul moment où je me trouve que le chant le comprend, c'est quand je chante, quand je joue la musique. Ouais, c'est, je suis presque un, qu'est-ce que c'est, un capable, ouais, incapable, oui, d'exprimer autrement. Ouais. C'est aussi une idée, le silence, ça veut dire, c'est de temps en temps mieux que je me tais, que j'ouvre la bouche pour chanter. On vous retrouve tout de suite sur scène, Stéphane Escher. C'était un extrait bien sûr du concert que vous avez donné l'an dernier ici à Montreux, au 20e festival de jazz de Montreux. Mais moi, je suis fin si soif. Stéphane Escher, c'était donc l'année passée à Montreux Jazz. On le rappelle, le 10 et tout, un nouveau 30 cm, le silence, et puis retour très très vite à la scène. Oui, très très vite. Vous piaffez d'impatience. Oui, c'était dur pour écouter ça. Ça me rend fou. Parce que jusque maintenant, quand j'ai pas joué deux mois, j'étais malade. J'étais vraiment malade. Ouais, spécialement avant le concert, j'étais trop nerveux. Et maintenant, ça fait déjà 6 mois et ça va être presque un an sans concert. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. Oui. Le retour est donc prévu notamment à Paris dans le courant du mois d'octobre. Oui. Dans un nouveau lieu qui s'appelle La Cigale. La Cigale, oui. Et puis il y aura plein d'autres tournées, notamment il y a en prévision une tournée bien sûr en Suisse, Stéphane Escher. Oui. Beaucoup de concerts en Suisse. J'aurais voulu juste ajouter une petite chose parce que le temps va vite oui. Et que dans quelques instants il sera 10h, le temps de vous remercier d'être venu ce matin pour le petit déjeuner avec nous sur l'antenne de la première. C'est que l'année passée, après le Japon, avant ou après l'Allemagne, je ne sais plus, vous êtes allé en France. Vous avez chanté dans les arènes, notamment par exemple les arènes de Nîmes, d'Orange, qui sont des lieux immenses, et que vous êtes, je crois, quelqu'un qui est passionné des corridas. Oui. Ouais. Oui, c'était une chose qui m'a beaucoup plu, parce que c'est vraiment exprimé dans la musique, ça c'est une chose. Quand ça marchait pas, ou quand j'étais encore plus jeune, Torero, c'était l'autre chose que j'aimerais bien faire. Et par exemple, j'ai eu des loges, c'était les petites chapelles pour les toreros, et c'était vraiment des ambiances pour faire des disques dedans, oui, oui. Lorsqu'on fait le métier qui est le vôtre, Stéphane Escher, ce sera le mot de la fin, on est parfois torero et parfois le taureau, oui. L'un et l'autre parfois. Moi, torero. Vous, torero. Oui, oui, les ordinateurs, ça c'est le taureau. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Merci d'être venu ce matin. Bonjour. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. your friend. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto. His mama cried. Well, if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? This child needs a hairpin. We will to be an angry young man someday. So take a look at you and me. How am I blind to see? Who is simply tired and look the other way? Cool wind blows in the ghetto. And his hunger burns. And he starts to roam the streets at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto.